7h05. Je commence tout de même. Vous allez me demander ce que je m'en vais. Ouais. Vous allez rester avec moi. Il y a peut-être qu'ils vont partir, mais, vous allez manquer de quoi? Vous allez penser que c'est louche. On va parler de la tuerie, une nouvelle tuerie aux États-Unis, en Californie, où le tueur a laissé, enregistré des vidéos avant la tuerie qui glace le sang un peu, puis qui démontre un peu sa folie, ses frustrations. Vous allez l'entendre. Vous allez entendre l'individu qui a tué combien de 6 victimes. 6 décès, 13 personnes qui ont été blessées. Ouais, c'est gros, là. C'est gros. Juste avant. Donc, voici ce que je voulais vous dire, puis je vais en revenir avec ça après. Et parce que vous allez penser que je suis fou, alors on va me défendre un peu. Ils ont déjà demandé au grand philosophe Platon, ça en va loin, là, Platon, s'il était en faveur de l'égalité homme-femme, à tout point de vue. Que les femmes pouvaient faire du sport, faire les mêmes activités que les hommes, pouvaient s'habiller comme elles voulaient, pouvaient être partout dans la société. Platon avait dit oui, étonnamment, attention, la société grecque n'était pas une société égalitaire, homme-femme, pas du tout, mais Platon avait dit oui, mais à une condition. À une condition. Attention, on ne parle pas d'un controversé animateur de radio, on parle d'un grand philosophe. Il dit oui, mais oui, femme égale de l'homme, oui, mais à une condition. Il va falloir ouvrir des bordels publics. Pour les hommes laids. Parce que si un jour la femme devient l'égale de l'homme, selon Platon, qu'elle se montre, qu'elle s'habille comme elle veut, elle sera un objet de désir, beaucoup plus, et que des individus masculins, comme il n'y a pas d'égalité là-dedans, c'est pas tout le monde qui est pareil et qui peut séduire autant les femmes, Platon disait, il va tellement y avoir de frustration chez certains hommes que ça va causer des problèmes dans la société. Alors il dit oui, mettez la femme égale à l'homme, mais ouvrez des bordels pour que les hommes moins bien nantis puissent satisfaire leur désir sexuel envers les femmes. Alors, ce n'est pas c'est lui qui disait ça. Et écoutez bien l'histoire en Californie. Je suis pas en train de vous dire, je ne l'excuse pas, je ne la justifie pas, je cherche aucune défense à ce fou-là qui mais retenez ce que je viens de vous dire là. Puis écoutez ce que Elisa et Catherine vont vous dire. Donc, on commence-tu par ce qui est arrivé? Donnez peut-être juste les grandes lignes. Je sais pas si Elisa qui peut faire ça sur l'événement. Ouais, ben ça s'est passé vendredi, en fait. Ouais, il y a eu 6 décès. Suspect, c'est Elliot Roger, 22 ans, qui s'est apparemment suicidé. C'est le fils d'un assistant réalisateur du film Hunger Games, Peter Roger. Oh. Avant la tuerie, il a fait une vidéo dans sa voiture où il explique un peu ses motifs. Okay, la c'est vidéo. Juste pour donner, en partie avec couteau et avec arme à feu, hein. Oui. C'est spécial. 3 personnes poignardées, près de son appartement, puis ensuite 3 autres personnes à l'aide d'un fusil. OK. Alors, 6 victimes. Catherine. Il a écrit un manifeste d'à peu près 140 pages, je crois. Il a aussi publié une vidéo sur sa chaîne YouTube. YouTube l'a retiré. Présentement, si vous allez sur la page de Bouchard en parle, l'intégrale de la vidéo est là. On vous en a sorti un extrait. Je ne sais pas combien de temps on va l'avoir. Okay? Okay. Alors, allez jeter un coup d'œil, si vous voulez, sur fm93.com, la page de Bouchard en parle. On va écouter un extrait de ce vidéo-là. Elliot Roger here. This is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. I'm 22 years old, and I'm still a virgin. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. It's an injustice, a crime, because I don't know what you don't see in me. I'm the perfect guy. C'est ça que tu traduis à mesure. Okay. 4, ça dure une minute. Il se présente, il dit mon nom est Elliot Rogers, c'est mon dernier vidéo parce que demain je passe à l'acte, je vais me venger sur toutes les femmes qui m'ont rejeté. Je comprends pas pourquoi vous pensez pas que je suis un beau, tu sais, que je comprends pas pourquoi vous me rejetez vierge, comme ça. Il dit qu'il y a 22 ans, il est vierge. Toujours vierge. Il y a plein de femmes qui trouve attrayantes, mais il est rejeté par. Je vois pas qu'est-ce que, tu sais. Il comprend pas, il dit que c'est injuste, c'est un crime. Voilà. I'm the perfect guy, and yet you throw yourselves at all these obnoxious men. Instead of me, the supreme gentleman, I am going to enter the hottest sorority house of UCSB, and I will slaughter every single spoiled, stuck-up, blonde slut I see inside there. You will finally see that I am, in truth, the superior one, the true alpha male. Le rire, bon. Non, non, ça glace le sang. Alors, là, la folie. Dit, là, ouais, je suis le gentleman suprême. Je comprends pas pourquoi, dans le fond, vous intéressez pas à moi. À la place, vous vous garochez sur des gars totalement insipides et niaiseux. Alors, lui, il dit, ça, c'est aujourd'hui que ça se termine. Je vais entrer dans la plus grande sorority, une fraternité, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, là, mais de filles sur le campus de l'université. Et il va, il dit, je vais massacrer toutes les blondes, les mots sont tough, hein, toutes les pétasses blondes que je vais croiser là, je vais les massacrer. Yes. After I've annihilated every single girl in the sorority house, I'll take to the streets of Isla Vista and slay every single person I see there. If I had it in my power, I would stop at nothing to reduce every single one of you to mountains of skulls and rivers of blood. Hey, sérieux, ça fait film d'horreur. Ouais, après avoir éliminé toutes celles que je pourrais trouver dans la maison, je vais prendre la rue et je vais m'attaquer aux personnes que je vais croiser. Si j'avais le pouvoir, je vous réduirais en une montagne de crânes et des rivières de sang. Le rire est terrible. Ouais. Le rire, la folie, on sent tout ça. Alors bon, moi, la chose qui m'intéresse, c'est le début. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la folie meurtrière de la fin. Ça glace le sang, je le répète. Mais concernant ce qu'il a dit au début, je pose la question. Si ce gars-là avait croisé sur la rue plein de belles blondes, OK, le fun, habillé sexy, dénudé, dans Californie, il trippe, mais il pogne pas. S'il y avait eu au coin d'une rue ce que Platon préconisait. Ben là, attends un peu. Là, en Californie, il y en a des filles là, qui auraient pu aller voir là, dans des bordels, des prostituées qui l'auraient pu payer. Oui, mais c'est pas légal. C'est pas légal. C'est mal vu. C'est moralement condamnable. C'est visiblement, il l'a pas fait. Est-ce que... C'est une question. Bon, fait, là, visiblement, ça serait pas la solution parce que c'est accessible. Pas tant que ça. Est-ce qu'il y avait les moyens? Pas tant que ça. Est-ce qu'il y avait les moyens de payer pour ça? Ben, si son père est directeur de Hunger Games et que sa mère, de ce que j'ai compris, jouait dans une télé-réalité Desperate Housewives de je sais pas trop quoi, je pense que les moyens devaient pas être trop compliqués, là. Est-ce que c'est pas un peu gênant, humiliant pour certaines personnes? C'est illégal? Est-ce que c'est mal vu dans la société? Ton point, c'est que faudrait pouvoir avoir accès, selon la théorie de Platon, à des bordels pour hommes laids. Ça serait pas un peu gênant, un peu honteux pour un homme laid de rentrer là puis de dire, parce que je suis laid, c'est la seule façon que j'ai d'avoir du sexe? Ça, c'est pas un mauvais point. Mais à part ça, là, moi, je dis pas que ça prend ça. Je dis, est-ce que, OK, ce gars-là a tort sur tout, dans sa folie, dans ses gestes. Mais quand au début de la vidéo, il dit c'est une injustice que moi, je puisse pas avoir accès. T'sais, regarde, je vais le dire de même. Si ce gars-là avait joué au hockey, il se serait tout tapé. Si ce gars-là avait eu de l'argent et un gros bolide rouge sport, il se serait tout tapé. C'est plate, mais c'est ça. Une belle gueule, tu joues au hockey, ou mais t'as de l'argent. Si non, ça, là, c'est peut-être un problème. Il est vraiment pas si laid, là. C'est peut-être son problème à lui. Vous avez, vraiment. Un bon point. Mais lui, pour X raisons, il pogne pas. Est-ce qu'il devient pas une petite bombe ambulante à chaque fois qu'il se promène dans la rue puis que ses désirs sont refoulés puis que là, il peut pas? Moi, je connais rien de la nature masculine, mais je trouve ça réducteur pour la nature masculine de penser que vous êtes tous des bombes à retardement. Ben si jamais vous réussissez pas à baiser la fille que ça vous tente. Je pense que le désir sexuel masculin, lorsqu'il est coupé, tout ça, c'est pas un peu plus intense, il y a pas un peu plus que... Je le sais pas, je connais pas les pulsions masculines. Je pose la question. Je sais pas, je le vivrai jamais. Et admettons... Mais je trouve ça réducteur pour les gars de dire que vous êtes limité à ça et que vous devenez des prédateurs potentiels quand vous réussissez pas à vous mettre quand vous voulez. Non, pas tout le monde. Non, j'ai jamais dit tout le monde. Mais dans son cas, à lui, visiblement. Non, pas tout le monde, mais une assez grande majorité, assez pour que tu penses que peut-être il faudrait avoir des bordels. S'il avait croisé, si la prostitution était légale, et si ce gars-là avait croisé sur sa route un bordel, et qu'il avait reçu un peu d'intimité, un peu d'affection, s'il aurait réussi à rentrer là, puis envoyer une blonde, puis là, go, est-ce que ça y aurait pas fait du bien un peu? D'abord, il serait plus vierge, puis là, bon, regarde. Mais qu'est-ce qu'il dit que c'est ces filles-là qui voulaient? Tu sais, peut-être qu'il y en avait une, deux dans sa mire, puis c'est ces deux-là qui ça fonctionnait pas. C'est peut-être pas des filles de bordel ou des prostituées qui l'attirent, on sait pas, là, tu sais. Non, je sais pas. Mais je dis qu'aujourd'hui, c'est autrefois, mettons qu'un gars dans les années 20 ou 30 pogne pas trop avec les femmes ou il y a de la misère, c'est peut-être de sa faute. Anyway, l'argument est pas mauvais. Mais tu sais, dans quelque part dans son champ, à shop ou dans le chantier ou etc., il était pas constamment exposé à la beauté féminine. Aujourd'hui, tu sais, donc c'était tel que tel. Puis anyway, tout le monde réussissait pareil à se marier. La beauté était pas le critère numéro un. Oh, laisse-moi juste finir. Aujourd'hui, le critère numéro un de la séduction et des rencontres, c'est la beauté et l'apparence physique. Et ça, c'est injuste à la naissance même. Ça, c'est pas moi qui le dis, moi, mais encore me cacher parce que je sais que c'est des propos que j'en vois-tu. Pierre Folliard l'avait déjà dit, qui est un grand gauchiste intellectuel aimé par Montréal et toute la clique, que la laideur est une des plus grandes injustices de l'humanité et quand, selon moi, en 2013, ou en 2014, attendez, excusez-moi, en 2014, c'est encore plus lourd comme handicap parce que, v'là plusieurs années, la beauté, c'était pas le critère numéro un, puis c'était pas partout. Aujourd'hui, on vit dans une société totalement superficielle, esthétique, il y a des photos, il y a des vidéos, la beauté est partout. Et c'est là et une des grandes valeurs pour les rencontres et la vie sociale. Alors, quand t'es pas dans le game, comme lui, vous l'avez regardé, j'ai pas même pas vu de photos, vous autres, vous dites... Il est vraiment pas laid, là. Si non, pire. Vraiment pas. Regarde, on le sait pas ce qu'il y avait, mais visiblement, il pognait pas. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'injustice? Puis on m'engage. Je sais qu'on fera rien en passant. Il se passera absolument rien. C'est un tabou. C'est un tabou, la laideur. Les hommes, tu sais, comme ça, random, là, parce qu'elle pognait pas, parce que les gars décidaient juste de se tourner vers des pétasses blondes, comme il dit dans la vidéo, plutôt que vers elles, des bonnes filles. Il y en a combien de filles qui ont décidé de prendre des gars et tirer dans le tas pour ça? Sais-tu pourquoi? Parce qu'heureusement, là-dessus, honnêtement, vous êtes un peu, mieux faites. Ça dépend, là, avec ce que je vais dire. Mais visiblement, la frustration féminine ne s'exprime pas de la même façon que certains hommes. Il y a des hommes que les fils se touchent et deviennent violents envers les autres. C'est pas correct, là. Mais ça, malheureusement, on le voit dans plein d'affaires, on le voit dans des drames familiales aussi, là. Les femmes, Catherine, ne réagissent pas de la même façon lorsqu'elles sont éloignées de leurs enfants ou victimes de drames. Malheureusement, les hommes pètent des coches et s'en prennent aux autres. Alors là-dessus, t'as raison, mais peut-être que, t'as peu, la femme réagit pas de la même façon, mais elle a peut-être la même tristesse. Absolument. Le même désespoir. C'est sûr. Celle qui est grosse et laite en 2014, doit pas être facile. Là. Ben, c'est sûr que non. Mais... Même Jean Leloup avait fait une chanson là-dessus, tu sais, pour dire comment c'était poche quand t'es moche. Le boss trip avec toutes les autres filles, pis toi t'es tout seul de ton côté. C'est, tu sais, d'un côté comme de l'autre, gars-fille, ce sont des situations qui sont vécues au quotidien par plein de personnes. Je dis qu'aujourd'hui, c'est pire qu'avant. Moi, c'est ça mon point. C'est pire qu'avant parce que c'est devenu un facteur socialement. C'est un facteur qui catégorise les gens. On me dit que ça a peut-être pas vraiment de lien avec la laideur puisque le jeune homme souffrait d'une forme aiguë du syndrome d'Asperger. Non, de tout est... c'est ça. Mais non, lui, il était pas bien. C'est sûr qu'il était pas bien. Mais il se sentait rejeté par les femmes. 7 heures, il faut aller à la pause. Je veux juste vous inviter parce que ça a déclenché une discussion sur les médias sociaux, particulièrement sur Twitter, le hashtag Yes All Women. Parce qu'il y a cette culture du viol qui est encore très présente, dont on a parlé plusieurs fois cette année, notamment ce qui s'est passé sur le campus de l'Université d'Ottawa. Allez jeter un œil là-dessus. Plusieurs femmes et hommes également témoignent. Moi, je sais qu'hier, je suis restée là, avec un mouton dans la gorge de tout ce que j'ai pu y lire. Je vous invite à aller faire un tour. Il y a des gens qui sont agressifs envers les femmes. Ouais, ben c'est parce que c'est plusieurs femmes, pardon, qui témoignent de ce que c'est qu'être une femme. Puis garde, il y en a une qui dit parce que toutes les femmes que je connais ont une histoire au sujet d'un homme qui se pensait, qui pensait qu'il avait le droit d'accès à son corps à elle. Toutes les femmes que je connais, hashtag Yes All Women. Ce sont toutes des histoires comme ça. Comme quoi les hommes pensent qu'ils sont, tu sais, qu'ils ont le droit de décider de ce qu'une femme doit faire avec son corps. Pas bon. Ouvrez des bordels. On va être mieux. 7h20. À tous les matins, l'équipe de Bouchard en parle déjeune avec Tim Hortons. Et ce midi, ils dîneront aussi avec Tim Hortons. Ils essaieront les nouvelles croustilles cuites à la marmite, parfaitement assaisonnées au sel de